Attala, je dis si, écoutait la baronne comme elle eût écouté de la musique. Et la voyant hors d'état de comprendre, Adeline pensa qu'il fallait prendre une autre voix en s'adressant au vieillard. « Retourne chez toi, ma petite, et j'irai parler à ce monsieur Vider. Est-il français ?»« Il est alsacien, madame, mais il sera riche, allez. Si vous vouliez payer ce qu'il doit à ce vilain Samanon, il vous rendrait votre argent, car il aura dans quelques mois, dit-il, 6 000 francs de rente, et nous irons vivre à la campagne, bien loin dans les Vosges. » Ce mot « les Vosges » fit tomber la baronne dans une rêverie profonde. Elle revit son village. La baronne fut tirée de cette douloureuse méditation par les salutations du fumiste qui venait lui donner les preuves de sa prospérité. « Dans un an, madame, je pourrai vous rendre les sommes que vous nous avez prêtées, car c'est l'argent du bon Dieu, c'est celui des pauvres et des malheureux. Si je fais fortune, vous puiserez un jour dans notre bourse. Je rendrai par vos mains aux autres le secours que vous nous avez apporté. » « En ce moment, dit la baronne, je ne vous demande pas d'argent, je vous demande votre coopération à une bonne œuvre. Je viens de voir la petite Judici qui vit avec un vieillard et je veux les marier religieusement, légalement. » « Ah, le père Vider, c'est un bien brave et digne homme. Il est de bons conseils. Ce pauvre vieux s'est déjà fait des amis dans le quartier. Depuis 2 mois qu'il y est venu, il me met mes mémoires honnêtes. C'est un brave colonel, je crois, qui a bien servi l'empereur. Ah, comme il aime Napoléon! Il est décoré, mais il ne porte jamais de décoration. Il attend qu'il se soit refait, car il a des dettes, le pauvre cher homme. Je crois même qu'il se cache. Il est sous le coup des huissiers. Dites que je payerai ses dettes, s'il veut épouser la petite. Ah bien, ce sera bientôt fait. « Tenez, madame, allons-y. C'est à 2 pas dans le passage du soleil. » La baronne et le fumiste sortirent pour aller au passage du soleil.